Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 242 qui sera un spécial La Tour de Glace avec l'interview de sa réalisatrice Lucie Adzi-Halilovic. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, que je n'ai pas écorché son nom. Et donc, qui a été organisée par notre partenaire, les cinémas CGR Centre de Tours, à l'occasion de la projection du film en Touraine. Cette émission sera donc organisée autour de cette rencontre avec la réalisatrice qui a répondu avec sympathie à mes questions sur la jeunesse de son film et aussi les relations avec ses actrices principales Marion Cotillard et Clara Pacini et aussi son compagnon Gaspard Noé. Ainsi que bien sûr des difficultés rencontrées comme pas mal de tournages. Je vous propose donc de commencer tout de suite par la première partie de l'interview à présent. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, sur Radioactive, on a la chance de rencontrer la réalisatrice du film La Tour de Glace. Bonjour Lucie, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, pour un petit peu votre parcours? Et puis après, on parlera un peu plus du film. Oui, donc bonjour. Merci de nous écouter. Je m'appelle Lucile Adzi-Halilovic. Je suis la réalisatrice du film La Tour de Glace qui est sorti il y a à peu près 3 semaines en salle et qui donc maintenant va passer ce soir à Tours. C'est un film avec Marion Cotillard et avec une jeune actrice qui n'avait encore jamais fait de film avant, qui s'appelle Clara Pacini, qui est en fait la vraie protagoniste du film. Et c'est inspiré du conte d'Andersen, La Reine des Neiges, en tout cas du personnage de La Reine des Neiges. Voilà, sinon je suis réalisatrice de quelques films. J'avais fait Innocence, Évolution et un autre film qui s'appelle Heroic, qui était passé ici à Tours aussi il y a 3 ans, je crois. Oui, et donc en plus, c'est ce qu'on parlait en off, ici on a la chance d'avoir un festival de films de genre, et vos films, certains de vos films ont justement quelque chose à voir avec ce style de film. Oui, alors de quel genre sont-ils mes films? C'est pas toujours facile de les définir, parce qu'ils sont des fois, c'est un peu, on va dire, oui, ce sont des films qui sont des contes, qui ont à voir avec l'imaginaire, mais parfois ils sont à la lisière du réel et de l'imaginaire, parfois ils sont un peu plus dans l'imaginaire que certains autres. Par exemple, Évolution, on pourrait dire que c'est un film de science-fiction. La Tour de Glace, je ne saurais pas vraiment dire de quel genre il relève. C'est pas vraiment du fantastique, il y a de l'imaginaire dedans. Je dirais imaginaire plutôt que vraiment de le définir par un genre plus précis que ça. Et après, voilà, j'étais très nourrie, moi, de films fantastiques, de science-fiction, l'horreur un peu moins, mais voilà. Donc si on veut faire référence à ces genres-là, il y a un peu de ça dans mes films. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir le film dimanche, et c'est dur de le classer. J'avais hâte de vous rencontrer pour pouvoir discuter de la jeunesse du film, le message que vous avez plus ou moins voulu passer, voir si moi j'ai compris. Et donc comment est née cette idée de faire ce film d'après un conte Andersen? Alors, moi, j'ai toujours été très, très fascinée par les contes d'Andersen. Bon, bien sûr, on a commencé à m'en lire quand j'étais petite et certains plus accessibles aux enfants que d'autres, parce qu'en réalité, les contes d'Andersen, beaucoup sont vraiment très, très cruels et très noirs et très complexes, on va dire, en tout cas en termes humains. Donc voilà, je les ai relus adultes et certains me parlaient plus que d'autres. Et ce qui m'intéressait dans La Reine des Neiges en particulier, c'était d'une part ce personnage de La Reine des Neiges, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pouvait représenter, ce personnage fantasmagorique. Donc dans mon film, elle est à la fois le personnage fantasmagorique et en même temps quelqu'un qui l'incarne, une actrice. Et donc qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, ça? Et puis sa rencontre avec une jeune fille. Donc c'était la confrontation entre la Reine des Neiges et une jeune fille qui est donc le personnage principal du film, qui va la découvrir, la rencontrer. Et qu'est-ce que ça veut dire pour cette jeune fille aussi, la Reine des Neiges, cette figure un peu de reine froide et tout ça. Donc c'est parti de là. Après, je ne fais pas des films qui ont des messages. C'est drôle parce que Buñuel, il disait, si je voulais faire passer des messages, j'enverrais une lettre par la poste. Donc c'est pas tellement de cet ordre-là. Je dirais que mes films sont des films qui, il faut les ressentir. C'est peut-être des expériences sensorielles, émotionnelles, et qu'à partir de là, ça fait penser à des choses. Bon, il y a une histoire, mais je dirais que c'est pas de l'ordre du message. Et du coup, comprendre ou pas comprendre, je sais que les films restent quand même assez ouverts pour que moi, c'est ça que j'aime en tout cas en tant que spectatrice, c'est pouvoir m'approprier un peu les films et faire faire mon interprétation, même s'il y a j'essaye de guider les spectateurs vers quelque chose, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas une explication plus qu'une autre, même parfois les spectateurs ont plus raison que moi, ou savent plus que moi, ou ont compris plus que moi, ou ont compris des choses que moi-même je n'ai pas tout à fait compris. Voilà. Oui, parce que bon, je prends mon exemple personnel. Je suivais le film, je m'imaginais un petit peu ce que pourrait être la suite. Des fois, ça allait dans mon esprit, entre guillemets. Et puis, des fois, ça reprenait une autre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, d'être emmené dans un film, de ne pas justement on sait comment ça va finir, comment ça se passe. Là, on est un petit peu sur le qui-vive. En plus, cette ambiance, par l'image, c'est un peu noir quand même. Oui, c'est un peu noir, c'est un conte, et en même temps, il y a à la fois des choses de merveilleux, on va dire, d'une certaine façon, et à la fois des choses inquiétantes et plus, je ne sais pas comment dire, sombres. Il y a l'obscurité, il y a la lumière, il y a un peu les deux, il y a les deux forcément ensemble, voilà. Et sinon, je trouve que vous en parlez très bien, du film. Et il y a l'éclat, justement, l'éclat de cette Reine des Neiges, qui est un peu sombre, mais qui est éclatante, blanche. Mm-hmm. Et cette jeune fille orpheline, et qui, elle, voit un petit peu les choses en noir, mais a cet espoir, justement, de rencontrer cette star, ce contre, puisque derrière, il y a aussi une promesse faite à une petite fille. Mm-hmm. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, en fait. Oui, il y a les deux à la fois. En fait, le personnage principal, donc, qui s'appelle Jeanne dans l'histoire, donc cette jeune fille qui va fuguer vers la ville comme une adolescente qui veut découvrir le monde adulte, quoi. Elle va donc rencontrer la Reine des Neiges. Et donc, c'est une figure de lumière pour elle. C'est une figure lumineuse dans cette robe comme ça, brillante et scintillante et fascinante. C'est presque d'abord la Reine des Neiges qu'elle veut rencontrer, la reine, plus qu'une actrice ou une star, parce qu'elle n'a pas conscience de ça et c'est pas tout à fait de cet ordre-là. Et elle va découvrir la personne qui incarne la star lumineuse, qui incarne la reine, je veux dire, et qui a effectivement des zones obscures, mais qui peut être dans la lumière. Et elle, la jeune fille, elle l'observe depuis l'obscurité, on va dire, et à un moment, elle-même va se retrouver dans la lumière. Et puis au départ, oui, sans déflorer le film, elle n'ose même pas dire qui elle est vraiment, elle cache son identité. En fait, je pense que c'est une jeune fille qui se cherche, on va dire, et donc à un moment, elle, assez tôt dans le film, elle aperçoit une autre jeune fille, un peu plus âgée qu'elle, quand elle arrive en ville, et cette jeune fille, là, comme ça, la fascine sur le moment, et elle aimerait bien être comme elle, peut-être, donc à un moment, elle va prendre son nom, son identité. Oui, parce qu'au départ, elle essaye même de sympathiser, en disant, sans parler trop, que oui, elle arrive en ville, qu'elle connaît personne. Voilà. Elle est un petit peu à la quête d'amitié, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est la partie la plus, je pense, liée au réel, en fait, où cette jeune fille qui, on va dire, qui est un peu fuguée, parce qu'elle s'ennuyait, elle supportait plus. C'est pas horrible du tout là où elle est, c'est juste trop étouffant au bout d'un moment pour une adolescente. Donc elle part en ville et effectivement elle découvre dans la ville, au cœur de la ville, il y a une patinoire où il y a plein de jeunes gens qui s'amusent, qui patinent, et il y a donc une jeune fille qui s'appelle Bianca qui la happe un peu, qui attrape son regard et avec lesquelles elle essaye de parler. Effectivement, cette fille ne la calcule pas du tout. Voilà, et voilà. Mais donc, après, d'autres choses se passent, mais effectivement, plus tard, elle prétendra s'appeler comme cette jeune fille qui l'a fascinée, quoi. Et je pense que le personnage principal, cette jeune fille, c'est aussi une fille qui est en recherche d'elle-même et d'identité. Et il y a des jeux sur les identités. Elle va prétendre être quelqu'un d'autre et après, elle va jouer des rôles dans le film, en fait. Elle sera trop figurante, en fait, en prenant le nom de cette jeune fille. Voilà, et de fil en aiguille, elle joue différents personnages, en quelque sorte. Voilà. On voit son ascension, justement, dans un casting. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant pour les gens qui aiment le cinéma. C'est le côté, l'envers du décor, et le fait d'être figurant, le côté star, et aussi tout ce qui se passe autour dans un film. Voilà, alors c'est quand même un film, c'est très synthétisé ce qu'on voit de comment le film est fait. Ce qui m'intéressait, en fait, dans le fait de faire un film sur un film, c'était vraiment le côté, c'était pas tellement par exemple les rapports entre les gens, mais c'était vraiment le côté fabrication, le côté on fabrique avec de l'artificiel. On fabrique un monde avec de la fausse neige, avec des décors peints, voilà. Parce que c'est. Et des costumes, voilà. Donc, et c'est aussi ça ce qui fascine cette jeune fille dans le film, c'est tous les artifices, en fait, qui sont aussi. Qui vont créer un conte dans le conte, quoi, voilà. Oui, en fait, c'est la lumière qui l'attire. On dirait les lumières de la ville, quoi, le faste. Oui, c'est les lumières de la ville qui, là, se trouvent être dans un studio de cinéma, quoi. Première coupe musicale, la BO de Messiaen, Fête des belles eaux, donc l'eau qu'on peut entendre, puisque elle a décidé d'utiliser cette musique un peu étrange qui colle vraiment bien avec le film. Retour à l'interview de la réalisatrice du film La Tour de Glace, qui nous raconte un peu comment s'est passé son film. Alors maintenant, on va parler au choix du casting. Comment s'est passé le casting ? Casting traditionnel, ou vous aviez déjà en tête certains rôles, voilà, en général, quoi. Alors, donc, il y a deux rôles principaux. Enfin, la jeune fille, qui est en fait le personnage principal réellement du film. Donc, c'est une jeune fille qui n'avait jamais joué encore, qui s'appelle Clara Pacini. En fait, on l'a rencontrée un peu classiquement parce que la directrice de casting avec qui j'ai travaillé l'avait rencontrée dans des castings. Clara, donc cette jeune fille, elle faisait l'école de théâtre, le Conservatoire National de Théâtre à Paris, mais elle n'avait jamais joué dans des films. Donc elle est venue en casting et c'est là que je l'ai rencontrée. Et à ce moment-là, je savais déjà que la reine et l'actrice qui joue la reine serait Marion Cotillard. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas tant de choix en France pour jouer une star comme ça. Et en plus, j'avais déjà travaillé avec Marion il y a très longtemps dans mon premier film, L'Innocence. Et voilà, et c'est un type d'actrice et de femme, on va dire, que j'aime beaucoup, qui me parle, qui m'intéresse beaucoup. Et je trouvais qu'elle était parfaite, Marion, évidemment, pour jouer ce double rôle comme ça et à la fois être dans la lumière et l'obscurité. Et voilà, donc Marion, comme je la connaissais un peu, voilà, je l'ai proposée, puis ça a marché, elle a dit oui. Et Clara, c'est la chance qui nous l'a mis sur notre chemin. Et la question, c'était, est-ce que voilà, une jeune fille qui n'a encore jamais joué, comment ça va se passer avec quelqu'un comme Marion Cotillard? Et en fait, j'ai senti tout de suite que Clara, elle avait une force en elle, elle était à la fois très réservée et en même temps, peut-être pas timide, peut-être... Ouais, avec une forme de elle a un monde intérieur, en fait, cette jeune fille. Et du coup, c'était parfait pour le personnage de Jeanne. Et en fait, effectivement, quand Marion a rencontré Clara, quand je les ai vues toutes les deux ensemble pour la première fois, finalement pas si longtemps avant le tournage, j'ai vu que ça marcherait, que Clara serait capable de tenir devant Marion. Et je pense que Marion, de son côté, elle a dit plus tard qu'elle était rassurée en ayant rencontré Clara, parce que effectivement il y a des choses pas faciles à jouer. Elle allait jouer des choses pas très faciles avec elle, et elle était contente de voir un peu la maturité et la force de Clara, qui est un peu moins jeune que ce qu'elle a l'air à l'écran. Oui, puis en plus c'est vrai que ça n'a pas été évident de tomber tout d'un coup débutant face à une star internationale qui a fait vraiment la une de plein de choses. Ouais. Et dans le film, on voit le charisme de Marion Cotillard, justement. Mm-hmm. Mais il n'y a pas un petit rôle à côté. C'est-à-dire qu'elle lui donne bien la réplique et c'est plaisant. Oui, Clara, elle a beaucoup de charisme. Elle a vraiment de la présence. Je pense qu'elle a vraiment du talent. Et que, après, voilà, c'est une jeune débutante. Et puis Marion est une grande actrice confirmée. Mais effectivement, je trouve qu'elle a bien tenu sa place devant Marion. Et Marion a été très généreuse avec elle et très aidante, quoi, aussi. Et le reste du casting, vous avez pris, j'ai vu Gaspard Noé, par exemple. Oui, par exemple. Alors, je voudrais dire avant Gaspard que j'ai pris un autre acteur qui joue c'est un petit rôle, mais c'est quand même un rôle important dans le film, qui est Auguste Dill, qui est un grand acteur allemand qui parle français. Donc, dans le film, il parle en français. Il n'est pas aussi connu en France que peut-être en Allemagne ou même aux États-Unis parce qu'il a fait des films américains. Vraiment, j'étais très heureuse de l'avoir et je trouve c'est un grand acteur. Et par ailleurs, dans le film, donc comme il y a un film dans le film, il y a un réalisateur de ce film-là, et je me disais, soit je prends un acteur comme ça dont on ne connaît pas le visage, soit peut-être c'est amusant de prendre un vrai réalisateur pour jouer un réalisateur. Mais dans ce cas-là, peut-être il faudrait que ça ait un sens par rapport au type de film qui se tourne. Or, il n'y a pas grand monde qui tourne vraiment des films comme ça aujourd'hui. En plus, le film se passe dans les années 70, et c'est un réalisateur qui tourne en studio et pas dehors, pas du cinéma moderne des années 70, mais un peu du cinéma du passé. Donc voilà, j'étais un peu perdue. Puis à un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi pas Gaspard ? Parce que je pense qu'il sera à l'aise devant la caméra. C'est pas son rôle, c'est un anti-Gaspard Noé. Il joue un peu un anti-Gaspard Noé. Mais après, je trouvais qu'il avait un physique qui pouvait faire un peu comme un réalisateur italien des années 60. Je pensais à Mario Bava, qui aurait pu tourner ça. Donc je me suis dit, tiens, il sait pas qu'il ressemble à Mario Bava, mais peut-être ça peut évoquer ça. Et puis en plus, évidemment, voilà, c'était facile de lui demander. Donc il a dit, bon, si j'ai des cheveux, je veux bien. Non, mais justement, c'est exactement ce que j'ai pensé. Il faisait penser au réalisateur italien qu'on voit de temps en temps dans les anciennes interviews. Ouais. Et là, vraiment, il dégage ça, oui. C'est, ouais, c'est drôle, vraiment l'acteur fait, italien, enfin, même les acteurs réalisateurs, aussi, voilà, tous ces personnages. Et là, ils sont assez justes, ils ont des rôles pas. Ils ne bouffent pas les rôles des autres, mais ils sont là dans leur présence. Oui, tout à fait. Ouais. Et comme il avait déjà fait un petit rôle dans son propre film Love, je voyais qu'il était très à l'aise face à la caméra, quoi. Donc ça, c'était... Donc voilà. Et puis comme ça aussi, il pouvait un peu se prendre en charge tout seul sur le tournage. Et de même que les gens de l'équipe, la personne qui joue le chef opérateur, l'assistant caméra, c'est des vrais chefs opérateurs et assistants caméra. Donc comme ça, il pouvait un peu... Il savait un peu comment se tenir, on va dire, sur le plateau, quoi. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du fonctionnement. Est-ce que vous avez eu des problèmes, les principales difficultés que vous avez eues à tourner? Bon, parce que je sais qu'il y a des scènes dans la neige, par exemple, à un moment. Oui. Et là, ce n'est pas la neige artificielle. Oui. Donc, est-ce que ça a été le choix de la région aussi, je pense? Mm-hmm. Donc, comment ça s'est passé, tout ça? Oui, alors on était très inquiets, on était assez inquiets, on va dire aussi quand même, à l'idée de tourner dans la montagne, dans la neige, parce qu'effectivement, ça pouvait induire plein de difficultés. On a décidé de tourner, donc on a tourné dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, pas loin du col du Lautaret, dans le massif de la Meije, près du massif de la Meije, près du glacier de la Meije. On est allé assez haut pour être sûr d'avoir de la neige, parce que effectivement, malheureusement, il y en a de moins en moins, mais en même temps, on craignait aussi peut-être le mauvais temps, la chute de neige, ça aurait été très compliqué. On avait très peu de jours pour tourner nos scènes dans la montagne, mais finalement, aussi peut-être parce qu'on avait beaucoup anticipé les choses, mais aussi parce qu'on a eu de la chance, donc il y avait assez de neige et on n'a pas eu de problème de météo non plus, donc c'était pas... Tout est un peu plus compliqué dans la neige, évidemment, avec la glace sur laquelle on glisse, etc. Mais et on a froid, bien entendu, les acteurs, les actrices, l'actrice pouvait avoir froid, mais elle s'est pas du tout plainte, Clara, elle était très, très, très, vraiment super aussi à ce niveau-là. Donc ça s'est bien passé. Après, finalement, ce qui n'était pas si simple... C'est plutôt peut-être de créer la fausse neige, des choses comme ça, de créer un décor en studio. On n'avait pas des moyens si grands pour fabriquer ce décor qui est censé être un décor un peu de merveilleux. Donc c'est voilà, ça c'était un vrai challenge pour nous. Moi, j'avais jamais fait de décor en studio. La chef décoratrice Julia Iribarria était vraiment, c'est aussi une relativement jeune chef décoratrice, mais elle a été vraiment super et voilà, et tout le monde a super bien travaillé, je trouve, et trouvé des solutions, etc. Et donc on a quand même un décor et cette fausse neige et ce décor de montagne peint et tout ça, voilà, c'était un peu, on n'était pas sûr que ça marche vraiment, mais on a essayé de faire au mieux. Puis ce mélange avec l'espèce de corbeau ou de corneille, ça ne devait pas être évident à tourner avec des animaux, on dit que souvent c'est assez dur. Oui, là donc on a tourné avec des corneilles qui sont des corneilles, je ne sais pas si le mot apprivoiser c'est un peu trop, elles ne sont pas dressées non plus parce qu'on ne dresse pas des animaux comme ça, mais en tout cas on avait un animalier qui avait vraiment comme un très très bon contact avec ses oiseaux. Et voilà, le principe est assez simple. En fait, il faut que nous, on soit très attentifs au bruit, aux odeurs, à l'environnement pour que ces oiseaux ne se sentent pas effrayés. Et après, le système, c'est de les faire voler dans une direction ou l'autre. Après, on a aussi utilisé à un moment une fausse corneille, évidemment. Et voilà. Donc ça s'est vraiment passé facilement. Là aussi, on avait un peu peur à l'avance que ce soit très compliqué. Puis ça a été assez simple et assez rapide. Ouais. Donc voilà, il y avait peut-être c'est le travail en studio qui était le vrai challenge, la construction du décor en fait, avec les moyens qu'on avait, qui étaient voilà, mais je suis contente du résultat. Après, je vois des défauts, mais je veux dire, en gros, c'était la plus grosse difficulté. C'est ça la plus grosse difficulté, ouais, absolument, ouais. Seconde pause musicale avec un morceau des Aphrodite Child, It's Five O'Clock, qu'on peut entendre dans le film. Aphrodite Child, c'était le groupe de Demis Roussos avant qu'il soit connu en tant que chanteur individuel. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Au film La Tour de Glace, où sa réalisatrice continue à nous parler du film. On a vu que le film a eu un très bon accueil à l'étranger, avec l'Ours de Berlin quand même. Faut le dire, c'est quand même un festival prestigieux. Oui, donc on a eu la chance d'avoir la première du film au Festival de Berlin en février dernier. Donc, c'est pas l'Ours d'or qu'on a eu. Hein. C'est comme si c'était pas l'équivalent de, je sais pas, c'est pas la Palme d'or, quoi. Mais il y a un certain nombre d'autres prix. Et donc, on a eu un très beau prix qui est un ours d'argent qui était pour la contribution, l'excellence de la contribution artistique. Et du coup, ce qui était, je trouvais très beau avec ce prix, c'est que c'est un prix un peu collectif pour les postes créatifs du film, c'est-à-dire l'image, la déco, les costumes, parce qu'effectivement la coiffure, le maquillage, etc., et aussi le travail du son, du montage, parce que tout le monde a vraiment, je trouve, vraiment super travaillé, était très investi et inventif et tout pour arriver à créer ce monde qui devait être attirant et chatoyant et malgré ces zones d'obscurité. Il gardait toujours le mystère, c'est ça. Parce qu'à des moments, on est entre le film et le conte, et on, ça balance entre les deux. Il y a des moments, certaines scènes, on se demande si on est dans le conte ou si on est dans le film ou dans la pensée de la jeune fille, par exemple. Exactement, c'était ça un peu le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, on commence dans la réalité, puis elle découvre ce tournage et ce monde qui est créé dans le tournage qu'elle voit. Et puis petit à petit, elle se projette là-dedans. Et peut-être que c'est elle qui invente le film. Enfin, le jeu, c'était un peu de, qu'à un moment, voilà, le réel et l'imaginaire se mélangent, quoi. Et c'est là où, enfin, je pense qu'il faut que les spectateurs, c'est un plaisir aussi de se perdre des fois. Il ne faut pas essayer de se dire, oh là là, est-ce que j'ai compris? Est-ce que ça, c'est sûr ou quoi? C'est un peu mettre aussi, essayer de mettre les gens à la place de cette jeune fille qui elle-même se perd dans ce monde et dans ses rêves et dans ses désirs, etc. quoi. Et puis, une chose qui est très intéressante, c'est aussi le fait, oui, de voir le côté, d'un côté, les stars et les figurants. Qu'on a besoin de tout le monde dans un film, et que une star vieillissante peut être capricieuse, et que un petit peu la déception qu'on peut avoir dans les yeux d'un ça peut être nous en journaliste par exemple, qu'on interviewe quelqu'un, on se fait une image d'une personne, et puis des fois on est un peu déçu, ou à l'inverse on est surpris parce que on s'attendait, telle personne est comme ça. Et là, c'est un peu à travers les yeux de cette jeune fille qui est émerveillée, et en face on voit une star qui essaye de l'apprivoiser, mais pas forcément pour les uns qu'on pourrait penser. Oui, en fait le personnage que joue Marion Cotillard, qui est donc cette actrice, oui, elle est, bon, c'est à une époque où effectivement à un âge très, enfin, très rapidement les acteurs, les actrices plutôt, devenaient moins désirables, mais je sais pas si c'est tellement ça dans le cadre de cette actrice. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche une forme de perfection et qui s'est coupé un peu, qui s'est fait comme une armure, et son idéal, c'est finalement cette reine, elle voudrait être comme cette reine parfaite, etc. Mais en étant comme ça, elle se coupe des autres, elle se coupe de sa propre source de vie, et ça la rend, enfin, elle est blessée par elle-même en quelque sorte aussi, peut-être par la vie, on peut se raconter ce qu'on veut, mais c'est surtout elle est comme morte dans sa armure de glace, en fait. Et donc quand elle rencontre une jeune, et donc elle est mal avec elle est mal avec les autres, elle est tout le temps pas contente de ce qu'elle voit à l'écran de son double, enfin de son reflet. Elle c'est comme si elle avait, comme dans le conte, des morceaux de glace déformante dans les yeux, et elle voit tout de travers, on va dire, voilà, et elle est sa propre victime finalement. Et quand Jeanne, là, qui la regarde fascinée, cette jeune fille qui la découvre avec sa naïveté, son innocence, si on veut, ça la rend vivante tout d'un coup, et elle aime se voir dans le regard de cette Jeanne, et voilà, c'est complexe en fait leur rapport, quoi, parce que Jeanne, elle est aussi intrusive, quoi, elle vient voilà, l'observer en cachette, je vais pas trop dire tout, mais voilà. Et elle voit aussi, Jeanne voit la vraie personne, elle voit la souffrance de cette femme, en fait. Elle voit pas que la star, les paillettes, elle voit la reine, mais elle voit la souffrance de cette femme, et ça la, et elle est, et elle, ils ont un lien comme ça qui se crée entre elles, qui se complexifie et qui se trouble, mais qui est pas juste une espèce d'admiration pour des paillettes. Ça m'a fait penser un petit peu à un autre conte, Blanche-Neige et la reine. Dans le fait qu'il y a une admiration, mais en même temps, vouloir rester un petit peu plus... je suis la reine, je reste la reine, mais tu as le droit d'entrer dans mon domaine, mais on garde un peu sa place quand même. En tout cas, c'est aussi une histoire de pouvoir, quoi. Cette actrice, elle a un pouvoir, en tout cas dans ce monde, de ce tournage, et sur cette jeune fille, oui, ça c'est sûr. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus complexe que juste... c'est une histoire d'emprise, mais c'est aussi, finalement, cette actrice, elle est sous l'emprise de la Reine des Neiges, de la reine, elle-même, de son personnage qu'elle veut incarner, et qui est... Voilà. Et Jeanne, cette jeune fille, elle va être sous l'emprise de Christina, mais aussi de la Reine, en fait. C'est un peu des jeux comme ça, de dédoublement, si on veut. Et par rapport à Blanche-Neige et la Reine, dans Blanche-Neige, bon, après, il peut y avoir des variations du conte, mais là, c'est beaucoup plus... La Reine et Blanche-Neige sont beaucoup plus distantes. Plus distantes. Là, au contraire, c'est l'histoire d'une rencontre, quand même. Même si, voilà, elle est... On s'aperçoit que les deux ont des failles. Absolument. C'est une rencontre de personnalités avec des failles, ouais, qui essayent justement un petit peu de les cacher, mais il y a une confiance mutuelle qui va s'ouvrir, où elles vont se révéler un petit peu, tout en gardant un petit peu cette distance, mais en se révélant plus ou moins. Oui, tout à fait. Je pense que toutes les deux, elles veulent... Après, il y a une chose qui peut ne pas fonctionner, c'est qu'elles sont toutes les deux, elles veulent être aimées, peut-être. Et ben, il faut qu'il y en ait une qui aime l'autre et l'autre qui soit aimée, je ne sais pas. Mais bon, enfin, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est pas simpliste de dire ça, mais c'est vrai qu'elles ont absolument toutes les deux une faille. Et aussi, l'idée, c'était un peu... C'est un peu l'une en miroir de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est une toute jeune fille et l'autre qui est déjà une femme... mûre, etc. Et peut-être, voilà, la jeune fille, c'est l'actrice jeune aussi. Elle se retrouve en elle, en fait. Il y a des parallèles entre elles dans l'histoire. Et c'est comme si elle se retrouvait, elle, comment elle était à 15 ans, en fait. Et ça réveille en elle des choses, quoi. Et l'autre voit en elle une figure, un espèce de modèle ou d'idéal, ou voilà, même une figure maternelle, etc. Et bon, voilà. Et est-ce que... L'une et l'autre, enfin, est-ce que l'actrice est prête à être ce que attend la jeune fille d'elle? Est-ce que la jeune fille peut être ce que l'autre attend d'elle? Voilà, c'est ça le film, ça raconte ça en fait. Au niveau de la musique, je trouvais que la musique c'était assez sobre. Il y avait pas, il y a quelques morceaux musicaux, mais c'est comment s'est fait le choix? Alors. Voilà, j'aime pas couvrir tous mes films de musique parce que je trouve que c'est très intéressant d'utiliser les sons. Enfin, et alors je dis les sons parce que c'est pas non plus mes films ont pas non plus beaucoup de dialogue. Donc on pourrait dire, mais alors s'il y a pas beaucoup de musique et pas beaucoup de dialogue, qu'est-ce qu'il y a? Ben il y a du son, il y a des sons. Et on a essayé de créer un peu un monde à la fois très de se ressentir le côté physique de ce monde, par exemple le froid, comment est-ce qu'on peut essayer par le son de faire ressentir le froid, ou aussi de créer un peu finalement de faire ressentir ce que les personnages ressentent par le son. Voilà, donc il y a tout un travail sur la bande son qui est assez minimal, mais qui est vraiment réfléchi et qu'on a cherché à créer quelque chose avec ça. Mais il y a quand même de la musique, et même d'ailleurs ça commence avec de la musique, un espèce de thème qui va revenir, et c'est en fait un morceau de Olivier Messiaen. Donc en fait c'est un morceau donc existant. et aussi ce qui m'intéressait dans ce morceau qui vient des Grandes Eaux, c'est parce qu'il en fait c'est un morceau aux ondes Martenot, qui est un instrument voilà assez particulier qui est je trouve qui peut donner un côté un peu de transe en fait dans ce morceau, je trouve, et je trouvais que c'était bien pour commencer le film en particulier de rentrer avec ce morceau là et d'être comme dans un déjà dans le conte d'une certaine manière, et un autre morceau de Messiaen revient à la fin, et après il y a voilà un morceau qu'on a fait composer qui est plutôt comme le thème de la reine, un peu plus dramatique avec des cordes, et par ailleurs il y a des chansons dans le film, ou des bribes de chansons qui sont plutôt années 70, puisque c'est l'époque où est censé se passer le film. Voilà, et j'en aurais mis plus si j'avais eu les moyens, parce que j'ai trouvé ça très chouette de mettre des bribes de chansons, ou des chansons. Voilà. Donc il y a ce mélange. Eh bien, avant d'aborder la quatrième partie de l'interview de la réalisatrice du film La Tour de Classe, je vous propose les coups de cœur. Eh bien, mon coup de cœur vidéo, c'est Guillaume Tell. Donc, un film italo-britannico-suisse réalisé par Nick Ham et qui est sorti en 2024. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre du même nom de Friedrich Schiller et qui met en scène Guillaume Tell, le fameux héros légendaire des mythes fondateurs de la Suisse. Et donc, ça se passe au XIVe siècle, alors que les nations européennes se disputent des territoires. Guillaume Tell se lance dans une rébellion contre l'empereur d'Autriche. Alors, Guillaume Tell, c'est un petit peu le Robin des Bois suisse, puisque vous verrez que c'est un héros. Alors, lui, il manie pas l'arc, mais l'arbalète. Et il y a la fameuse scène où il est obligé de tirer sur une pomme qui est sur la tête de son fils. On le voit dans le film, mais C'est un film un peu plus complexe. Donc, si vous aimez les films historiques, d'aventure, bon, j'ai regardé ce film, c'est sympathique. Donc, autant en parler, hein, parce qu'on parle beaucoup de Robin des Bois. On va encore en parler cette année, puisqu'il y a des films qui vont sortir sur Robin des Bois. Mais là, donc, c'était un petit peu pour mettre en lumière ce film récent. Le coup de cœur rétro, eh bien, c'est Ice Castle. Le Château de Glace, un film drame romantique américain de 78, réalisé par Donald Wright, avec Linoli Johnson et Robin Benson. Linoli Johnson, on l'avait pu voir comme James Bond Girl, et, où elle faisait du patinage artistique. Et puis, bah, dans ce film, justement, c'est une fille qui fait du patinage artistique. Elle s'appelle Lexi Winston dans cette histoire. Et c'est une jeune patineuse artistique. Et on voit son ascension jusqu'à sa chute. La tragédie frappe lorsqu'à la suite d'un accident étrange, Lexi va perdre la vue. Et ce qui va la forcer à se réfugier dans l'intimité de son désespoir. Elle persévère finalement et va reprendre la compétition de patinage. L'œuvre a été tournée dans le Colorado et le Minnesota, et ce qui est le plus connu, bien, c'est sa chanson Through the Eye of Love, qui est interprétée donc par Melissa Manchester et qui a été nominée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale pour justement les 52e Oscars. Donc un film qui est un petit peu en lien, quand vous verrez justement La Tour de Glace, il est question aussi de patinage à un moment, de cet univers un petit peu froid, donc c'est un petit lien que je vous ai mis, entre guillemets, à faire découvrir. Et le coup de cœur vidéo, bien, ça concerne le prochain film de Julie Godrèche, dont elle a commencé le tournage, et c'est son second long métrage en tant que réalisatrice, et c'est l'adaptation du roman Mémoire de fille d'Anna Emo. Donc, le film prendra pour point de départ une dédicace d'Annie Emo, 70 ans, en Normandie. Elle replonge dans les souvenirs de l'été de ses 17 ans en 1958, cet été-là. Elle quitte sa bourgade natale pour être monitrice en colonie de vacances. Et donc, on va voir un petit peu tout ce qui se passe à cette époque. Donc, un petit peu un film biopic, on pourrait dire, puisqu'il y a des parties un petit peu souvenirs. Donc, voilà. Eh bien, après cette petite coupure coup de cœur, on revient à la dernière partie de l'interview de la réalisatrice du film La Tour de Glace. Et Lucie nous raconte un petit peu ses projets, entre autres. Et vous verrez que, pour l'instant, elle reste très secrète. Quelle a été la réception, pour l'instant, vous êtes fait des autres avant-premières ou à Tours, on est à quel niveau? Oui, alors là, le film, il est déjà sorti en France il y a 3 semaines. Sinon, le film, donc, il a, depuis Berlin, il a circulé d'une part dans d'autres pays, dans d'autres festivals. Et puis, il est sorti, par exemple, la semaine dernière aux États-Unis. Il va sortir dans 2 semaines en Angleterre. Enfin, il a une vie dans d'autres pays que la France. Voilà. Et des avant-premières, on en a fait un peu, ou des projections avec discussion avec le public en France, dans quelques villes, voilà. Et comme ce soir, on va en faire une importante, en fait, à Tours, parce que, en plus de ça, ça sera comme ça, comment dire, c'est relié, en fait, à une salle à Bordeaux, où il y aura, en fait, la discussion avec le public, elle sera retransmise, elle sera, voilà, je ne sais pas quel mot employer. En retransmission. Et aussi, je pense que peut-être des gens dans la salle à Bordeaux pourront parler, pourront poser des questions. Et bien sûr, ce soir à Tours, j'espère voilà, qu'il y aura un public qui aura envie de rester et de participer à cette discussion. Et comment se sont passées justement les autres premières? La réception a été critique, mais aussi du public, parce que c'est quand même le public qui est votre grand jury. C'est le mot jury, mais en tout cas on a eu une magnifique presse, vraiment une très très belle presse. Après, le film, il est, comment dire, c'est un film, je pense, qui sans doute est déroutant pour certains. C'est difficile pour moi de juger de son côté si déroutant. Je pense qu'il est en même temps sur des choses très simples et très, voilà, qu'on peut comprendre. Le film n'a pas une très grande carrière commerciale, on va dire. Voilà, il est distribué dans un nombre restreint de salles aussi, qui parfois ne le passent que très peu dans la journée, voire dans la semaine. Voilà, après, je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le film, d'autres qui ne rentrent pas dedans. Bref, c'est un film qui divise d'une certaine manière, enfin, en tout cas, je pense que c'est un film où les gens, il faut peut-être une certaine sensibilité et envie de faire. C'est pas une histoire d'effort, je pense que c'est une histoire de. Ouais, de se dire oui, c'est pas juste à comprendre et oui, j'ai compris. C'est vraiment d'accepter, d'avoir envie de rentrer dans un univers, dans une ambiance, dans une atmosphère. Et c'est là où, à ce moment-là, on voit des choses et des choses se passent, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, on est dans un monde où on va tellement, tout doit aller, on est tellement sollicité sans arrêt, je ne sais pas. Il y a aussi un type de narration tellement habituel qui est un peu les narrations des séries, quoi, où on est sans arrêt, avec plein d'événements, plein d'espèces de il faut que ça aille très vite, on passe d'une chose à l'autre. Voilà, alors là, le principe du film, c'est de s'arrêter sur les choses, de rentrer dedans, de les regarder, de les écouter. Alors voilà, c'est pas forcément habituel pour le public. Donc voilà, des fois, il se dit, c'est quoi ce film ? Mais bon, voilà, j'espère que des gens auront la curiosité de venir faire l'expérience. Justement, si vous auriez une phrase à dire pour donner envie d'aller voir ce film, rapidement, ça serait quoi ? Ben, je sais pas, c'est une curiosité de rentrer dans quelque chose à la fois familier et mystérieux. Et d'accepter de ressentir et pas de chercher à tout prix à comprendre et à voilà. Donc je sais pas si ça donne envie aux gens ce que je suis en train de dire, mais on n'est pas toujours le meilleur vendeur de son film, hein, donc voilà. Et puis le mystère, c'est important, la part de mystère dans la vie. Tout à fait, je pense que c'est très important, c'est ça aussi qui donne du désir, quoi. En fait, si déjà, enfin, on sait ce qu'on va voir et on sait, comme vous disiez tout à l'heure, oui, on sait comment ça va, comment l'histoire va avancer et se terminer, etc. J'espère que le spectateur aura, enfin, j'ai essayé qu'il ait des surprises. Après, les surprises ne sont pas des choses. Spectaculaire nécessairement, mais il prend des chemins inattendus. Voilà, j'espère que les spectateurs, les gens auront envie de prendre des chemins un peu plus inattendus que ceux de la majorité des films. Pour ma part, je me suis posé des questions après le film. Même le film était terminé, et je me donnais des. Ouais, tiens, peut-être ça voulait dire. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà, on reste avec un petit peu. On se pose des questions, on n'est pas là, poum, ça s'arrête. C'est un film qui fait réfléchir après, donc c'est intéressant aussi. J'espère qu'effectivement, que les gens aient envie d'en parler après entre eux, d'échanger leurs avis, d'échanger ce qu'ils ont compris, ou ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, parce que c'est beaucoup une histoire de ressenti, et de se dire, voilà, à la fin, c'est quoi le film, c'est un peu le trajet émotionnel de cette jeune fille, quoi, où est-ce qu'elle en est arrivée, et qu'est-ce qui reste après. Et voilà, donc c'est un chemin un peu sinueux pour peut-être se perdre dans un monde de cristal. On reste dans le fantastique. Toute dernière question, tout en relation avec vous, mais pas forcément le film. Est-ce que vous avez d'autres projets actuellement où vous êtes en état de digestion de celui-là, ou vous pensez déjà avoir quelques petites pistes sur des idées de choses que vous aimeriez faire? Oui, j'ai des pistes, mais là, comme je suis encore vraiment plongée dans ce film, parce que voilà, il y a des projections, des rencontres avec le public, comme je disais, bon, il est sorti en France, mais il va sortir dans d'autres pays, donc il y a un accompagnement à faire sur ce film encore pendant quelques semaines. Donc là, c'est difficile de vraiment complètement, se mettre dans autre chose, mais j'ai des petites idées, mais je garderai le secret pour l'instant. Voilà, donc si on aime votre cinéma, on aura à nouveau des nouvelles productions derrière. J'espère bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bon, je vous remercie au nom de Radioactive d'avoir participé à notre émission. Et puis, on souhaite longue carrière et longue vie au film en France et à l'étranger. Merci beaucoup. Eh bien, dernière bande originale musicale, je vous propose justement la fameuse bande originale primée, Through the Eyes of Love, le thème du film Ice Castle, par Melissa Manchester. Donc vous allez pouvoir découvrir cette bande originale qui a eu un Oscar. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux avant-premières de nos partenaires, les CGR Centre de Tours et les Cinéma Studios de Tours. Alors, au CGR Centre, on commence avec une rétro Jean-Luc Godard qui continue avec Pierrot le Fou la semaine du 12-11 et Une femme est une femme dans la semaine du 19-11 pour clôturer donc cette rétro Jean-Luc Godard. Ensuite, nous avons une rétrospective Coppola du lundi 17 novembre au lundi 15 décembre. Alors, on aura d'abord Dementia 13 le 17 novembre à 19h40. Ensuite, Conversation secrète le lundi 24 novembre à 20h15. Ensuite, Apocalypse Now Final Cut, donc la version de Coppola, le lundi 1er décembre à 20h15. Puis Outsider, le lundi 15 décembre à 18h. Tucker, ce sera le lundi 8 décembre à 20h15. Et pour terminer, Twix, le lundi 15 décembre à 20h15. Il y aura aussi des avant-premières, avec l'avant-première de Wicked, la partie 2, qui sera le mardi 18 novembre 2025 à 20h. Une soirée culte, les tontons flingueurs, mercredi 19 novembre à 20h25 aussi, à 19h45, toujours au CGR Centre, bien sûr. Ensuite, eh bien, un marathon Wicked le dimanche 23 novembre à 10h40 avec Wicked, la première partie, qui sera donc le 23 novembre à 10h40, suivi de Wicked partie 2 à 13h50. Une autre avant-première, Les Rêveurs, ça sera le mardi 25 novembre à 18h en présence de l'actrice Isabelle Carré. Une autre avant-première de L'Or sous les cendres, et ça sera le vendredi 28 novembre à 18h en présence de la réalisatrice Frédérique Lemarchand. Une autre avant-première, Teresa, ça sera le dimanche 30 novembre à 16h. À l'issue de la séance, la réalisatrice Theona Struger-Mitwetska sera présente pour un moment d'échange avec le public. Et puis aussi une séance spéciale pour les fans de manga avec Jujutsu Kaisen exécution. Et ça sera le samedi 6 décembre à 17h45. Et puis, on n'est pas en reste au studio, puisque le 13 novembre à 19h45, on aura le festival des Utopies Réelles, qui raconte avec 7 documentaires de création et 7 rencontres grand public entre cinéastes et chercheurs en sciences humaines, comment s'engager dans la bataille au nom d'un futur beaucoup plus désirable. Et puis, dans le cadre du CNP, Cinéma National Populaire, donc les studios proposent UR, à bout de course, donc les chauffeurs français contre Uber, de Benjamin Carle et Leif Serfontaine, et dans le genre documentaire, et ça sera le jeudi 13 novembre. Nous aurons aussi Guerre ou pas, capitalisme, esclavage moderne, de Rafael Guerrero, ça sera le 27 novembre, un film documentaire espagnol, et puis postcolonialisme dans le cinéma africain de Paulin Soumanou Vieira, donc un documentaire sénégalais, et ça sera le jeudi 20 novembre. Et pour retrouver tous les films à l'écran et leurs horaires, vous allez cliquer sur les sites respectifs de nos partenaires, les CGR Centres et Studios. Enfin, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 242, spécial La Tour de Classe. Un grand merci à Lucille pour cette interview. Et à nos partenaires, les cinémas CGR Centre de Tours, ainsi que son directeur Mehdi Belhadj, qui ont permis aujourd'hui de vous présenter cet événement de cinéma en Touraine. Bien sûr, vous pouvez retrouver Cinéphage sur notre page Facebook radioactivefm.fm et sur notre site www.radioactivefm.fr en podcast ou en streaming. Et pour les fans du petit écran, n'oubliez pas d'écouter ainsi notre émission Cérivore sur Radioactive avec Vincent, aujourd'hui à la technique. Et enfin, vous pouvez aussi devenir l'invité de l'émission en contactant Radioactive Amboise Montlouis. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages. Cinéphage, l'émission du son et des images.